إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله. Aujourd'hui, le lundi 3 Rajab 1442 de l'Hégire, correspondant au 15 février 2021, nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette soirée afin d'entamer un nouveau cours sur un autre sujet, un sujet d'une grande importance chez Ahl Sunnah wal Jama'a en particulier et chez les gens de l'islam de manière générale. Le sujet concerne l'akhlaq, la bonne moralité et la bonne éthique et le bon comportement. Al-khuluq, en arabe, on dit al-khuluqu wal-khalqu. Comme a dit al-Hafidh ibn Hajar dans Fath al-Bari, que ces deux sont des synonymes à la base. Mais al-khalqu a été utilisé plus dans la description de l'apparence de l'homme. Et al-khuluq a été utilisé pour décrire les moralités et le comportement de la personne. Al-Qurtubi également dans Al-Mufhim a dit que le bon comportement, Al-Akhlaq, il a parlé du comportement de manière générale dans son explication de l'authentique de l'imam muslim qui s'appelle Al-Mufhim. Il a dit que le comportement de manière générale, les comportements, ce sont les moralités et les éthiques avec lesquelles se comporte la personne vis-à-vis des autres. Et il y en a parmi ces comportements qui sont louables et d'autres sont blâmables. Et les comportements qui sont louables de manière globale, c'est que tu sois aux côtés des autres contre ta personne. Écoute cette parole. Il a dit, si on veut résumer le bon comportement et ce qui est loué des moralités, c'est que tu sois aux côtés des gens contre ta personne. Allahu Akbar. Donc ça s'oppose complètement au fait de faire triompher sa personne. Car faire triompher sa personne ne fait pas partie de la bonne moralité. Au contraire, tu dois être aux côtés des autres contre ta personne et juger sévèrement ta personne et pardonner aux gens. Donc, être aux côtés des gens au détriment de ta personne, et non pas l'inverse. Et de manière détaillée, il a cité certaines bonnes moralités. Il a commencé par l'afou. L'afou, le pardon. El-hilm, l'indulgence et la clémence. La générosité, l'endurance et la patience. La miséricorde et la compassion. la bienveillance et l'attendrissement, la douceur, et ainsi de suite. Il a dit ce qui est blâmable, de manière détaillée, c'est l'opposé de ce qui a été cité. Fin de sa citation. Mes très chers frères, vous savez tous l'importance qu'occupe le bon comportement dans notre religion. Et c'est pour ça, vous trouvez que les imams de Salaf, dans leurs ouvrages qui traitent du domaine de l'aqida, de la croyance et du dogme, ils ont inclus des chapitres dans lesquels ils ont parlé des bonnes moralités. Tel que l'exemple de l'imam Sabouni dans son livre Sharafu Ashab al-Hadith. Il a parlé des bonnes moralités, il a cité plusieurs exemples. Également l'imam al-Tahawi dans l'Aqidah al-Tahawiyya et l'imam Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah également dans l'Aqidah al-Wasitiyya. Il a terminé cet épître avec des indications concernant certaines bonnes moralités. Et que Ahl Sunnah wal Jama'a, ils sont les plus à même d'avoir l'akhlaq al-hasana ou al-hamida. Et comment ça peut ne pas être le cas alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit son prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est notre modèle et exemple à tous. Il l'a décrit en disant « Wa innaka la'ala khuluqin azim » Certes, t'es d'une moralité éminente, d'une moralité très noble. Alayhi salatu wa sallam. Et en arabe, quand on explique ce verset, il y a énormément de détails qui montrent le rang extrêmement élevé de notre prophète, alayhi salatu wassalam, également l'importance du bon comportement dans notre religion. Car Allah Azza wa Jal, je vous cite une seule indication. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِنَّكَ لَعَلَى comme s'il a placé le prophète alayhi salatu wassalam au-dessus du bon comportement et de la bonne moralité. C'est pour ça Sa'd ibn Hisham a rapporté qu'il a interrogé la mère des croyants, la pure, la sainte Aïcha radiallahu anha. Il l'a interrogé au sujet du comportement qu'avait le prophète, alayhi salatu wassalam. Elle a dit, « Kana khuluquhu al-Qur'an, Allahu Akbar. » Cette parole dans laquelle la mère des croyants a résumé le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam, de la manière la plus succincte possible, sans rien négliger de son comportement. Elle a dit, « Kana khuluquhu al-Qur'an. » Son comportement était Al-Qur'an, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Sa'd ibn Hisham, quand il a entendu cette réponse bien évidemment, elle montre la profondeur de la compréhension de la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha. Parce que cette parole, elle ne l'a pas entendue du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est une déduction d'elle. Et ça montre la profondeur de sa compréhension, radiallahu anha. Et bien évidemment, c'est la plus grande faqiha de cette umma, Aïcha, la mère des croyants. Et c'était une référence pour les compagnons, radiallahu anhum. Surtout dans les affaires de notre prophète, alayhi salatu wassalam, chez lui. Je disais que Sa'd ibn Hisham, qui est un tabi'i, celui qui a interrogé la mère des croyants, quand il a entendu d'elle cette réponse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, لقد هممت أن أقول an aquma wa la as'ala shay'a, comme ça a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad. Tellement cette réponse était suffisante et éloquente, comme s'il a voulu ne plus poser de questions. C'est-à-dire que cette réponse lui a été suffisante. Et comme s'il a pensé ne plus lui poser de questions. Parce que cette réponse est tellement éloquente et tellement suffisante, elle a englobé toute chose. Son comportement était le Coran. Toutes les bonnes moralités auxquelles appelle le Coran, tu les vois tu les vois chez le prophète alayhi salatu wassalam. Et toutes les mauvaises moralités, les mauvais comportements contre lesquels le Coran a mis en garde, le Nabi alayhi salatu wassalam les délaisse. Les ordres du Coran et les interdits du Coran, tout ça est mis en pratique par le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'elle l'a décrit de cette manière, résumée et très forte. La mère des croyants, Aïcha, la pure. Et comme les savants le mentionnent, toutes les bonnes moralités sont résumées dans un seul verset dans le Coran. Et quand je dis pure, tahira. Elle est tahira et les savants la décrivent comme ça. Et quand les savants ils disent qu'elle est mubarra'a, elle est préservée de ce que al-munafiqin, yani de avec quoi al-munafiqin l'ont décrit. Radiallahu anha. Après, si ça a un autre sens en français, vous pouvez le mentionner également pour qu'on puisse profiter bi'idnillah. Mais en tout cas, le sens voulu, c'est ça. Elle est pure et purifiée des accusations qui lui ont été adressées. Elle a été innocentée par Allah subhanahu wa ta'ala par au-dessus ses sept cieux. Radiallahu anha. Et c'est l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam dans le dunya et dans l'akhira. Et c'est parmi les grands alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. La mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, car elle est au paradis au même degré que le prophète alayhi salatu wassalam. Elle sera avec lui au même degré, radiallahu anha, car elle est son épouse dans le paradis. Taïb. Je disais que le comportement est englobé dans un verset du Coran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ » Recherche la conciliation. Ordonne le convenable et évite les ignorants. Ce verset a englobé toutes les bonnes moralités. Car si tu mets en pratique ce verset, tu vas entretenir les liens avec celui qui les a coupés avec toi. Et tu vas donner à celui qui t'a privé. Et tu vas pardonner à celui qui t'a fait une injustice. Et ce verset qui s'adresse à notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam dans un premier temps et à toute sa communauté par la suite, dans ce verset Allah oriente son messager et lui enseigne les fondements du bon comportement qui sont le pardon et la recherche de la conciliation vis-à-vis des gens. Et d'accepter leurs excuses. Quand quelqu'un s'excuse, accepte son excuse. Ça fait partie de ses bonnes moralités dans ce verset. Et de pardonner à celui qui t'a fait du mal et d'être souple, le plus souple et le plus doux possible avec les gens sans tomber dans un interdit, sans transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pas fouiller derrière les gens et faire des recherches sur leur vie privée et de se contenter d'eux, de ce qu'ils montrent dans leur apparence. Mes frères, le bon comportement dans notre religion a atteint un degré tellement élevé que la bonne action du bon comportement est la bonne action la plus lourde dans la balance. Comme le Nabi alayhi sallam nous a dit dans un hadith rapporté par l'imam Abi Daoud, authentifié par l'imam de l'hadith de cette époque, l'imam Al-Albani, le prophète alayhi sallam a dit « Ma min shay'in athqala fi mizan al-mu'mini yawm al-qiyamah min husn al-khuluq. » Allahu Akbar. Il n'y a pas une chose qui est plus lourde dans la balance du croyant le jour de la résurrection plus que le bon comportement. Il n'y a rien de plus lourd que le bon comportement dans la balance du croyant. Allahu Akbar. Et également le bon comportement, c'est l'adoration qui fait entrer le plus de gens, qui est la cause de l'entrée la cause d'entrée au paradis. Parmi les plus grandes causes de l'entrée au paradis, le bon comportement. Car le Nabi alayhi sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, authentifié par Cheikh Al-Albani, quand il a été interrogé, qu'est-ce qui fait entrer au paradis? Il a dit, taqwa Allah wa husnul khuluq. La crainte d'Allah ou la piété et le bon comportement. Également, le bon comportement, et l'excellence dans les bonnes moralités est la caractéristique des croyants qui ont la foi la plus élevée. Qui ont la foi la plus élevée et la plus forte. Comme le Nabi alayhi sallam a dit, Inna min akmalil mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Bonne question, la réponse viendra bi'idnillah. Donc, Nabi alayhi sallam a dit, Inna min akmalil mu'minina imana, parmi les croyants qui auront la foi la plus parfaite et la plus complète, ceux qui auront le meilleur des comportements. Et également, le croyant, il atteint avec son bon comportement, il atteint le degré des grands adorateurs, ceux qui passent leur journée en jeûne et leur nuit en prière. Nabi alayhi sallam a dit, Inna al-mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Le croyant, il atteint avec son bon comportement le degré du jeûneur et du prieur la nuit. Celui qui prie qiyam al-layl, la prière nocturne. Et Nabi alayhi sallam a annoncé cette bonne nouvelle à celui qui parfait son comportement et qui va avec son comportement vers l'excellence. Il lui a annoncé le degré le plus élevé dans le paradis. Il a dit Ana za'imun bi baytin fi rabad al-jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa. Celui qui délaisse la polémique et les débats et les querelles, comme bien même il a raison. Celui-là, le prophète alayhi salatu wassalam lui a annoncé une maison dans le bas du paradis. Et au milieu du paradis, pour celui qui délaisse le mensonge, même quand il rigole. Et il a annoncé le degré le plus élevé du paradis à celui dont le comportement est bon. Ce hadith a été authentifié par le Cheikh Al-Albani dans Silsila Sahiha également. Donc, Nabi alayhi salam a cité trois choses dans ce hadith. Délaisser les querelles et les disputes et les polémiques, et délaisser le mensonge de manière absolue, et avoir un bon comportement. Et le degré le plus élevé, c'est pour celui qui a un bon comportement. Et celui qui a le bon comportement également, il sera parmi les gens les plus proches du prophète alayhi salatu wassalam le jour du jugement dernier. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa. Allahu akbar. Nabi alayhi salam dit, parmi ceux qui sont les plus aimés à mon cœur et qui seront les plus proches de moi dans le paradis, ceux qui ont les meilleurs des comportements et des moralités. Authentifié également par Cheikh Al-Albani. Sachez, avant d'entamer ce livre, que parmi les plus grands bienfaits et les plus grandes grâces avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala comble son serviteur, c'est de lui donner un bon comportement. Al-Nabi alayhi salatu wa salam a dit, إن الناس لم يعطوا شيئا خيرا من خلق حسن. Il a dit, jamais on a donné aux gens quelque chose meilleur que le bon comportement. Authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, rapporté par Tabarani. Et les hadiths au sujet du comportement et du bon comportement sont extrêmement nombreux. Comment ils peuvent ne pas être nombreux? Alors, quand on connaît le statut du bon comportement, le bon comportement est de trois catégories. D'abord, le bon comportement est de deux catégories par rapport à la façon dont on l'obtient. Il y a un bon comportement qui est inné, un pur don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le serviteur n'a rien fait pour l'acquérir. Allah l'a créé avec ce bon comportement. Et ça, vous le trouvez chez certaines personnes. Elles sont généreuses, comme ils disent, de nature, c'est-à-dire la nature sur laquelle Allah les a créées. Ils n'ont pas fait d'effort pour être généreuses. Et ainsi de suite, parmi les autres comportements. Et la deuxième catégorie du comportement, c'est le comportement acquis. Le comportement acquis. Tu fais des efforts et tu te forces à avoir le bon comportement et à t'éloigner du mauvais. Et la deuxième catégorie, comme bien même elle est récompensée comme la récompense du combat dans le sentier d'Allah, car tu fais des efforts contre ton nafs afin de la porter à adopter les bonnes moralités, à s'éloigner des mauvaises. Malgré cela, la première catégorie reste meilleure. Et c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui à qui Allah n'a pas donné un bon comportement, qu'il cherche à l'acquérir et qu'il demande à Allah l'aide, et parmi les meilleures causes pour avoir le bon comportement, c'est le dua. Dis comme le Nabi alayhi salam disait, Allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi. Ou Allah, parfait mon comportement comme t'as parfait ma création. Comme tu m'as créé dans une création parfaite et harmonieuse. Aide-moi à avoir le bon comportement. Ça faisait partie de dua qu'avait le prophète, alayhi salatu wassalam, qui a été décrit par Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous avons vu dans le verset, wa innaka la'ala khuluqin azim. T'es moralement très noble. Et malgré ça, il demandait à Allah de lui donner le bon comportement. Le bon comportement est de trois catégories d'un autre point de vue, et c'est ça qui répond à la question de notre frère Abdel Karim. Le bon comportement est de trois catégories, comme dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Madarij al-Salikin. Comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec le Créateur. Et ce comportement, à sa tête, unifie Allah dans ses noms et ses attributs, dans sa seigneurie et dans son adoration. Et de préserver nos actes de ce que Allah n'a pas légiféré. Et de préserver notre cœur, de s'orienter vers autre que lui. Et de préserver notre intention de viser et de vouloir quelque chose qu'il déteste. La deuxième catégorie, c'est le comportement avec le messager et la législation. Et ça, ça peut se résumer par la définition de la deuxième attestation de foi. La conformité à la sunna et croire en la véracité de tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté. Se conformer à ses ordres, s'éloigner de ses interdits et n'adorer Allah qu'avec ce qu'il a légiféré. La troisième catégorie, c'est le comportement avec la créature. Et le comportement avec la créature a quatre piliers, c'est-à-dire il a quatre fondements sur lesquels il est basé, qui sont quatre comportements. Et tous les autres comportements reviennent à ces quatre. Comme dit toujours l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Madarij al-Salikin. Ces quatre comportements sont la patience et l'endurance. Deuxièmement, la chasteté et la pudicité et l'abstinence, ça c'est le deuxième. Le courage et la bravoure, ça c'est le troisième. L'équité et la justice, et ça c'est le quatrième. Donc avec la patience et l'endurance, le serviteur va faire preuve de patience et il va contenir sa rage et cacher sa colère et patienter quand on lui fait du mal et ne pas faire du mal aux autres. Et avec la chasteté et la pudicité, il va s'éloigner de toutes les mauvaises choses, toutes les choses avilissantes et rabaissante, que ce soit dans les paroles et dans les actes. Et avec le courage et la bravoure, il va aller vers le devant. Il va aller vers l'avant, afin. Il va aller vers l'avant et vers les choses élevées et qui ont une grande valeur, que ce soit dans ses comportements, que ce soit dans ses œuvres. Et avec la justice et l'équité, il suivra le juste milieu dans toute sa pratique. Et il se conformera à la voie du juste milieu, qui est la voie avec laquelle est venue notre religion. Et il va être juste dans ses croyances, dans ses adorations, dans ses paroles et dans tous ses actes. Et le juste milieu, entre parenthèses, le juste milieu n'est pas un objectif pour le croyant. Écoutez bien ce que je vais dire, barakallahu fikum. C'est très très important. Le juste milieu n'est pas un objectif pour le croyant. Le juste milieu, c'est un résultat et c'est un fruit de l'attachement au livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole? Ça veut dire que le croyant, il va pas chercher où est-ce qu'il est le juste milieu pour se placer dans cette position. Non. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Le juste milieu, c'est un fruit et c'est une conséquence obligatoire de celui qui s'attache au livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, avec la compréhension de nos pieux prédécesseurs, à leur tête les compagnons de notre prophète alayhi salatu wassalam, qu'Allah les agrée tous. Donc ton objectif, c'est pas d'être dans le juste milieu. Ton objectif, c'est de suivre le livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, avec la bonne compréhension. Et le résultat, c'est que tu vas être dans le juste milieu. Donc le juste milieu, c'est pas prendre un demi-verre de vin et le mélanger avec un demi-verre d'eau. Le juste milieu, c'est pas de voir la sœur qui se couvre totalement, qui couvre tout son corps, l'intégralité de son corps, et de voir une autre muslima qui ne se couvre pas du tout, yani, qui porte des vêtements, yani, qui montre son aura. Le juste milieu, c'est pas d'être entre les deux et de porter le petit foulard, ou comme ils disent, le petit hijab. Ça, c'est pas le juste milieu. Le juste milieu, c'est que tu te conformes au livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, avec la compréhension de salaf, et tu seras fort malgré toi, que tu le veuilles ou pas. Tu seras dans le juste milieu. Comme ces quatre sont les fondements et les piliers du bon comportement, les mauvais comportements également ont quatre piliers, qui sont al-jahl, l'ignorance. Et l'imam Ibn al-Qayyim l'a cité en premier. والجهل داء قاتل. L'ignorance est une maladie fatale, une maladie mortelle. Le deuxième, al-dhulm, l'injustice. Sois juste quand tu parles. Sois juste quand tu juges. Sois juste dans toute ta vie. Le troisième, ash-shahwa, les envies et les passions. Et le quatrième, la colère, qu'Allah nous en préserve. La colère, bien évidemment, qui est blâmée. Car vous savez, il y a une colère qui fait partie des meilleures adorations les plus aimées par Allah. Se mettre en colère pour Allah subhanahu wa ta'ala, conformément à sa législation. C'est pas parce que tu te mets en colère pour Allah que tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu dois te conformer et rester dans le cadre de la religion et de la législation. Ça, c'est une colère qu'Allah aime. Et à cause de l'ignorance, la personne, elle peut voir ce qui est mauvais et ce qui est mal, elle peut le voir comme un bien. Et avec l'injustice, elle mettra les choses non pas à leur place. Elle sera injuste dans ses jugements, injuste dans ses verdicts, injuste dans ses propos, et ainsi de suite. Et avec les envies et les passions, elle va être avide des biens de ce bas monde et elle sera touchée par l'avarice et par l'attachement aux bassesses de ce bas monde. Et avec la colère, la colère, elle donne lieu à l'orgueil et à la haine et à l'enviosité et à l'injustice. Et ainsi de suite. C'est pour ça le croyant, comme il fait son effort pour acquérir les bonnes moralités, il doit également délaisser les mauvais comportements. Et les pires des mauvais comportements, ce sont les mauvais comportements du cœur, tels que ceux qu'on vient de voir. L'orgueil, l'enviosité, la haine, et ainsi de suite. Donc dans ce cours-là, que nous entamons cette soirée, bi'idnillahi ta'ala, nous allons parler de l'akhlaq et de l'adab, mais nous allons parler d'un adab particulier. Nous n'allons pas parler de tous les adab comme ce que je viens de citer dans cette introduction, mais nous allons parler d'un adab particulier qui concerne l'ilm, la science. Et nous allons voir à travers ce livre précieux qui a été décrit par les hommes de science comme un des meilleurs livres qui ont été faits dans ce domaine, tout en étant très concis. Car l'auteur de ce livre, qui est Ibn Jama'a al-Qadi, qui était le grand juge, Ibn Jama'a al-Kinani al-Shafi'i, c'était un Shafi'i dans son madhab fiqhi, le madhab de jurisprudence qu'il suivait, et le madhab Shafi'i. Et dans le domaine des noms et des attributs d'Allah, il suivait le madhab al-Ash'ari. Il suivait le madhab al-Ash'ari, qui est un madhab égaré dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans d'autres domaines. Mais Ibn Jama'a a été décrit comme un homme de science qui ne menait pas une guerre contre ceux qui suivaient la méthodologie de Salaf dans le domaine des noms et des attributs. Et il y a des hommes de science comme lui qui pensaient que les deux voies sont autorisées. Et ça, c'est pas vrai. La vérité, c'est la voie sur laquelle était le prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que ses nobles compagnons, radiallahu anhum. Et tout ce qui est venu après eux est un égarement. Ibn Jama'a était un savant très très intelligent. Ils l'ont décrit avec une très très grande intelligence. Il a brillé très jeune. Il a grandi déjà dans une famille de science. Son père était un très grand savant. Et son grand-père également. Il a mémorisé le Coran par l'intermédiaire de son père. Il a mémorisé énormément de moutoun, très jeune également, avec son père. Il est né l'année 639 de l'Hégire. Et quand il a commencé à grandir, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait aimer la demande de science, et il n'a cessé d'être dans la quête et la demande de science jusqu'à ce qu'il a dépassé ses compagnons dans la demande. Et il a eu le poste de juge en étant très jeune. Yani il avait moins de 40 ans, il est devenu juge. Et vous savez que juge, c'était la fonction la plus élevée. Comme aujourd'hui, le grand mufti. Il est décédé, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il lui pardonne, il nous pardonne à nous tous. Il est décédé la nuit du lundi 21 Jumad al-Oula de l'année 733 de l'Hégire. Donc nous allons commencer, bi'idnillah. Le livre s'intitule Tadhkiratu as-sami'i wal-mutakallim fi adab al-'alimi wal-muta'allim. Donc ce livre, il l'a appelé Tadhkira. Tadhkira, c'est-à-dire, c'est une sorte de rappel pour celui qui écoute, c'est-à-dire celui qui apprend, l'apprenti et le demandeur de science, et celui qui parle, c'est-à-dire le savant. dans les règles de bienséance du savant et du demandeur ou de l'apprenti ou du demandeur de science. Donc on commence à lire l'introduction de ce livre. Ce livre, bien évidemment, il est composé d'une introduction et de 5 chapitres. Une introduction et de 5 chapitres. Dans le premier chapitre, il a parlé, rahimahullah, du mérite de la science et des hommes de science. Dans le deuxième, il a parlé des bienséances du savant en lui-même et avec ses étudiants et dans son cours. Le troisième chapitre, et ça c'est important pour nous de connaître l'adab que doit avoir le savant, que ce soit en lui-même ou avec ses élèves également pendant son cours. Et le troisième chapitre, dans lequel il a abordé les bienséances qui concernent le demandeur de science, celui qui apprend en lui-même, avec son cheikh et avec ses compagnons, dans la demande de science, ses collègues dans l'apprentissage et pendant son cours. Quels sont l'adab qu'il doit avoir pendant qu'il assiste à un cours également? Le quatrième chapitre dans lequel il a parlé des règles de bienséance concernant les livres et les outils de la demande de science. Le cinquième l'a consacré aux règles de politesse par rapport à son lieu d'habitation, qui sont les écoles, car à son époque, la plupart des étudiants y vivaient dans des sortes d'écoles comme internats, ils vivaient dans ces écoles, donc c'est pour ça qu'il a cité l'adab qu'il doit avoir dans ces lieux-là. Le cinquième, on va pas le faire, bi-idhnillah, car à notre époque, ça existe quasiment jamais. C'est rare de trouver, c'est rare ces choses-là, mais, les quatre chapitres vont nous suffire, et nous demandons à Allah de nous faciliter la science bénéfique et profitable, et de nous accorder la bonne compréhension, et de nous aider à mettre en pratique ce que nous apprenons, et de nous aider à parfaire notre comportement. Il a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah al-Barr al-Rahim, al-Wasi' al-Alim, ذِلْ فَضْلِ الْعَظِيمِ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَتَمُّ التَّسْلِيمِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وعلى آله وأصحابه الكرام جواره في دار النعيم. Donc après les louanges adressées à Allah subhanahu wa ta'ala et la prière sur son prophète alayhi salatu wa salam et les éloges et bénédictions adressées à son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel a été révélé ce verset wa innaka la'ala khuluqin 'azim, certes t'es d'une moralité éminente, ainsi que ses compagnons, ses nobles compagnons, radiyallahu anhum. Donc ce qu'il a utilisé ce style, ça s'appelle bara'atul istihlal, c'est-à-dire dans l'introduction, il va indiquer le sujet de son livre, qui est les bonnes moralités. Ensuite il a dit, فَإِنَّ مِنْ أَهَمِّ مَا يُبَادِرُ بِهِ اللَّبِيبُ شَرْخَ شَبَابِهِ. Parmi les choses les plus importantes avec lesquelles doit s'occuper l'homme intelligent, doué de bon sens dans le début de sa jeunesse, وَيُدْئِبُ نَفْسَهُ فِي تَحْصِيلِهِ وَاكْتِسَابِهِ, et dans laquelle il doit fournir le maximum d'efforts et fatiguer sa personne dans sa quête. حُسْنَ الْأَدَبِ الَّذِي شَهِدَ الشَّرْعُ وَالْعَقْلُ بِفَضْلِهِ وَاتَّفَقَتِ الْآرَاءُ وَالْأَلْسِنَةُ عَلَى شُكْرِ أَهْلِهِ, les bonnes moralités dont témoin à la fois la législation et la raison saine, les deux témoignent de son mérite. Et dont les avis et les langues se joignent pour louer celui qui la demande, c'est-à-dire celui qui demande la science. Donc que ce soit les opinions et les avis, et également les langues, tous les deux s'accordent sur l'éloge à ceux qui demandent la science. À ceux qui demandent la science. وَإِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذِهِ الْخَصْلَةِ الْجَمِيلَةِ وَأَوْلَاهُمْ بِحِيَازَةِ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ الْجَلِيلَةِ أَهْلُ الْعِلْمِ. Et les gens qui sont les plus à même d'avoir cette caractéristique noble et cette chose et cette belle chose, ce sont les hommes de science, c'est-à-dire ceux qui sont les plus à même d'avoir le bon comportement, ce sont ceux qui demandent la science. Ils sont les plus à même d'avoir l'adab et le bon comportement. Ahlul ilmi الذين حلوا به ذروة المجد والسناء وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الأنبياء لعرمهم بمكارم أخلاق النبي وآدابه وحسن سيرة الأئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه. Ce sont les hommes de science qui ont atteint le degré le plus élevé et les statuts les plus élevés, et qui ont devancé tous les autres dans l'acquisition de l'héritage des prophètes. Et pourquoi ils sont les plus à même d'avoir le bon comportement? Il dit لِعِلْمِهِمْ بِمَكَارِمِ أَخْلَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآدَابِهِ, car ce sont ceux qui connaissent le mieux les bonnes moralités et les bons comportements du prophète عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, avec la science qu'ils ont, et qui connaissent le mieux la biographie des imams, que ce soit parmi la famille de notre prophète alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons également, et sur quoi étaient les savants des pieux prédécesseurs. قال ابن سيرين رحمه الله كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. Il rapportait cette parole de l'imam Ibn Sirin après avoir cité l'importance de la bonne moralité et son rang très très haut, très élevé. Il a commencé par citer certains récits rapportés de nos salafs qui, pour appuyer ce qu'il a avancé d'abord. Il a rapporté tout d'abord la parole d'Ibn Sirin, rahimahullah. Il a dit, كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. Il a dit, ils apprenaient la bonne guidée de la même manière qu'ils apprenaient la science. Al-hadi ici, ça peut désigner le comportement, et ça peut désigner également la méthodologie générale dans la religion de l'islam. Mais ce qui est voulu ici, c'est le bon comportement. Car il a dit, comme ils apprenaient la science, comme ils apprenaient la science, donc ils apprenaient les bonnes moralités de la même manière qu'ils apprenaient la science. Et quand ils disent kanu, ils désignent ces chouyours parmi les grands tabi'in et parmi les compagnons. Car Ibn Sirin, c'est un tabi'i. Wa qala al-Hasan, in kana ar-rajul la yakhruju fi adab yaksibuhu as-sinin thumma as-sinin. Ensuite, il a rapporté cette parole de l'imam al-Hasan al-Basri. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Dans laquelle il dit que l'homme sortait en voyage dans la demande des bonnes moralités, en passant dans ce voyage des années et des années. Donc l'homme, à leur époque, et l'époque qui a précédé l'imam al-Hasan al-Basri, l'époque de Sahaba et des grands tabi'in, l'homme, il pouvait passer plusieurs années dans l'apprentissage de l'adab avant de commencer à demander la science du hadith. وقال سفيان بن عيينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه فما وافقها فهو الحق وَمَا خَالَفَهَا فَهُوَ الْبَاطِلِ. Allahu Akbar. Une parole en or de l'imam Sufyan ibn Uyayna. Il dit, le messager d'Allah est la grande balance sur laquelle on expose toute chose. Sur son comportement, sa biographie, sa guidée. Ce qui est en accord et en conformité avec ces choses-là, avec le prophète alayhi salatu wassalam, dans son comportement, dans sa guidée, dans sa biographie, et dans sa croyance, et dans ses adorations, et dans toute sa pratique religieuse, c'est ça la vérité. Et ce qui est en désaccord, c'est ça le faux. فَهُوَ الْبَاطِلِ. Donc le bon comportement, on prend de cette parole que le bon comportement, c'est le bon comportement qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam. Et non pas le bon comportement d'après certaines personnes dont la nature humaine saine a été corrompue. Car il y a des gens qui voient que yani c'est bien, ça fait partie du bon comportement de ne pas laisser pousser une barbe qui dérange. Ou de ne pas se couvrir totalement pour une femme. Ou de ne pas renvoyer une main d'une femme qui t'a été tendue pour te serrer la main, une femme qui t'est pas autorisée. Il voit que ça ne fait pas partie du bon comportement. Nous leur disant, c'est pas vous la mesure, et c'est pas vous la balance avec laquelle on pèse le bon et le mauvais comportement, avec laquelle on distingue le bon comportement du mauvais. Mais c'est le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, comme a dit l'imam Sufyan ibn Uyayna. Wa qala Habib ibn al-Shahid libnihi, ya bunayya, ishab al-fuqaha'a wal-ulama' wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim fa inna thalika ahabba ilayya min kathirin min al-hadith. Ensuite il a rapporté cette parole de Abu Muhammad Habib ibn al-Shahid al-Basri, qui est décédé en l'an 145 de l'Hégire. Il a dit à son fils, ô mon fils, tiens compagnie des savants et des juristes et apprends d'eux, et prends d'eux également l'adab. L'adab, je vais l'appeler dorénavant l'adab. L'adab, c'est les bienséances, c'est les règles de politesse. C'est les bonnes manières, et ainsi de suite. Mais on essaye de retenir l'adab, adab, et le khuluq, le bon comportement et les bonnes moralités. Il a dit, prends de leur adab, car ceci est plus aimé pour moi que le fait que tu apprennes beaucoup de hadith. C'est-à-dire tout en négligeant l'adab. Tout en négligeant l'adab. C'est pour ça qu'il est rapporté de l'imam Malik que sa mère, pendant qu'il était tout jeune, il était tout petit, elle lui faisait porter une imama. Elle lui faisait porter à foi l'imama. Le turban autour de la tête. Et elle l'envoyait vers les assises de Rabi'a, de un de ses plus grands chouyours. Et il prenait pas de notes ni rien du tout. Il allait uniquement pour apprendre l'adab. Il allait uniquement pour apprendre l'adab et le comportement. Et d'observer le savant, comment il parle, comment il répond, comment il se comporte dans les différentes situations. Il a passé plusieurs années dans l'apprentissage de l'adab avant de commencer à demander la science. Et il a dit, rahimahullah, que les salafs commençaient par la demande de l'adab avant la demande de science. L'adab, c'est une science, bien évidemment. Car l'adab, c'est basé sur l'ilm, sur les versets et sur l'hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais il montre l'importance de cette branche de la science avant de commencer dans les autres sciences. Et on va voir pour quelles raisons il commençait par l'adab. Et vous allez comprendre pourquoi nous, on a souvent des mauvaises compréhensions. Pourquoi yani beaucoup parmi nous ne réussissent pas dans l'ilm. Et l'imam Malik lui-même, à son tour, il disait à certains de ses élèves, il leur disait, « Ya bunayya, ta'allami l'adab qabla an tata'allama l'ilm. » « Oh mon fils, demande, apprends l'adab avant de commencer à demander la science. » Et certains, ensuite, il a rapporté que quelqu'un, il ne l'a pas nommé, il a dit « Wa qala ba'duhum libnihi ya bunayya la an ta'allama baban min al-adab ahabbu ilayya min an tata'allama 70 baban min al-ilm. » Il a dit « Oh mon fils, que tu apprennes un seul chapitre de l'adab est plus aimé pour moi que d'apprendre 70 chapitres de la science, car l'étudiant en science, il n'arrive à profiter de la science qu'avec l'adab. Car l'étudiant en science n'arrive à tirer profit de l'ilm qu'avec l'adab. Comme l'a dit Sufyan ibn al-Hussein, il a dit « Bil adabi tafhamu l'ilm ». Et cette parole a été rapportée également de l'imam Shafi'i. Il a dit « Avec l'adab, tu comprendras la science. Avec l'adab, tu comprendras la science. » Et cette parole signifie qu'avec l'adab, Allah te facilitera la compréhension de la science. Car la compréhension, c'est un don d'Allah. C'est pas avec l'intelligence ou avec le nombre de cours auxquels tu assistes par jour. La compréhension est un don d'Allah. Il la donne à qui il veut. Et la clé de la compréhension, c'est le bon comportement. Également, avec l'adab, tu comprendras la science. Car quand tu as un bon adab, le savant va t'accorder plus de temps. Il va t'expliquer davantage par rapport aux autres à cause de ton bon comportement. Et ça, c'est cité dans beaucoup de biographies de savants. Que son shaykh, il lui accordait plus d'attention, il veillait sur lui plus que sur les autres, car il voyait en lui l'adab. Contrairement à quelqu'un qui manque de respect, le savant, il lui donne le strict minimum. Voilà ce que je veux dire. Il lui donne le strict minimum pour ne pas être dans le péché et ne pas cacher la science. Mais il va pas lui donner plus que ce qu'il a demandé ou des choses qui peuvent lui être profitables. Car le savant, c'est un être humain également. Tu lui manques de respect, il te donne pas l'ilm. Et ça, c'est pas parce qu'il veut que tu le respectes toi, que tu le respectes lui. Ça, parce qu'il sait que donner la science à quelqu'un avec un mauvais comportement, c'est placer la science là où il faut pas. Et cette personne qui a un mauvais adab, si elle apprend et elle mémorise et elle connaît des choses, ça peut devenir un danger pour les gens de la religion et pour les gens de l'islam. Et ça, vous le voyez. Ça, on le constate de nos jours. Il y a des gens qui cherchent à s'élever au-dessus des autres, qui cherchent à rabaisser les autres, parce que soi-disant ils sont inférieurs à eux dans la mémorisation, dans l'ilm. Et ça, c'est le manque de adab. وقال مخلد بن الحسين لابن المبارك نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. Ensuite, il a rapporté cette parole de مخلد بن الحسين qui est Abu Muhammad al-Azdi. L'imam Abu Dawood, l'imam Sahib Sunan, a dit de lui كان أعقل أهل زمانه. C'était parmi les hommes les plus sages de son époque. Il est décédé en l'an 191 de l'Hégire. Makhlad ibn al-Husayn a dit à Abdullah ibn al-Mubarak, l'imam, le très connu, le grand imam, parmi les imams de Al-Sunnah al-Jama'a, il lui a dit, نَحْنُ إِلَىٰ كَثِيرٍ مِّنَ الْأَدَبِ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَىٰ كَثِيرٍ مِّنَ الْحَدِيثِ. Il lui a dit, on a plus besoin de beaucoup de adab que notre besoin de beaucoup de hadiths. Ça, il le dit par rapport aux gens de son époque. Que dire de l'époque qui est venue après et après jusqu'à notre époque? Qu'est-ce qu'ils auraient dit, ces savants, s'ils avaient vu comment on est aujourd'hui et comment on est dans notre adab vis-à-vis de la science, vis-à-vis des savants? Mais comme j'ai entendu une fois d'un cheikh, quand un élève s'est mal comporté, il a dit « l'erreur, elle vient de nous. » Parce qu'on ne vous a pas enseigné ce adab. C'est pour ça, c'est très important dans les séminaires, qu'il y ait un chapitre de l'adab qui doit être étudié. On étudie l'aqida, on étudie le hadith, on étudie le fiqh, mais on doit étudier également l'adab. Et vous avez bien vu que Salaf, il commençait par l'adab. Donc ça, c'est une parole qui a été rapportée selon Makhlad ibn al-Husayn. Il y a une autre parole de l'imam Layth ibn Sa'd. Il a dit, dans le même sens, mais encore plus forte. Il a dit, أنتم إلى قليل من الأدب أو إلى يسير من الأدب أحوج منه إلى كثير من العلم. L'imam Layth Ibn Sa'd, un jour, est sorti, yani il s'est rendu à son assise, dans laquelle il donne la science. Il a vu certains mauvais comportements d'un des élèves. Il leur a dit, vous avez plus besoin de peu de adab que votre besoin de beaucoup de science. Que votre besoin de beaucoup de science. Wa qila lish-Shafi'i rahimahullah. كيف شهوتك للأدب؟ قال أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به. قيل وكيف طلبك له؟ قال طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. Ils ont dit à l'imam Shafi'i, c'est comment ton amour, ton envie de l'adab? Il a dit, j'entends une parole au sujet de l'adab, comme ces paroles qu'on est en train de lire maintenant, des paroles de salaf. Il a dit, j'entends une parole au sujet de l'adab et je souhaite que tous mes membres puissent l'écouter. Et non pas l'écouter uniquement avec mes oreilles, mais je souhaite que si seulement tous mes membres avaient la possibilité d'écouter cette parole, et de tirer profit de cette parole. Ils lui ont dit, alors t'es comment dans ta demande de l'adab? Tu le demandes de quelle manière? Il a dit, je le demande, il leur a cité une parole, je le demande comme la femme qui a égaré son enfant et qui n'a autre que lui. Donc il a cité trois points. Et ça, c'est le summum dans la demande d'une chose. Une mère qui a perdu son enfant et elle n'a qu'un seul enfant. Vous imaginez comment cette mère va chercher son enfant? Il a dit, je demande l'adab de la même manière que cette femme. Allahu Akbar. Et ça, c'est quelque chose de très important. L'envie, l'amour d'une chose te facilite de la demander et de la comprendre. C'est pour ça, c'est important d'aimer la science et d'aimer la science de l'adab en particulier. Et ça, ça va te booster vers sa demande, comme a dit l'imam Shafi'i ici. Ensuite, Ibn Jama'a, rahimahullah, a mentionné la raison pour laquelle il a écrit ce livre. Il a dit, وَلَمَّا بَلَغَتْ رُتْبَةُ الْأَدَبِ هَذِهِ الْمَزِيَّةِ وَكَانَتْ مَدَارِكُ مُفَضْصَلَاتِهِ خَفِيَّةِ دَعَانِ مَا رَأَيْتُ مِنْ احْتِيَاجِ الطَّلَبَةِ إِلَيْهِ وعسر تكرار توقيفهم عليه إما لحياء فيمنعهم الحضور أو لجفاء فيورثهم النفور إلى جمع هذا المختصر مذكرا للعالم ما جعل إليه ومنبها للطالب على ما يتعين عليه وما يشتركان فيه من الأدب وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب ثم أدب من يسكن المدارس منتهيا أو طالبا لأنها مساكن طلبة العلم في هذه الأزمنة غالبا. Donc il a cité trois causes qui l'ont motivé à écrire ce livre concis au sujet de l'adab. La première cause, c'est le rang très élevé de l'adab, comme on l'a vu. La deuxième, c'est que les détails de l'adab ne sont pas accessibles à tout le monde, surtout ceux qui débutent dans la science. Et la troisième cause, il a vu le grand besoin chez les étudiants d'apprendre l'adab. Et que c'est difficile de les renvoyer à chaque fois vers certains livres, c'est pour ça qu'il a vu utile et opportun de réunir ses fondements de l'adab dans un livre concis qui est le sien. Et également, car certains parmi les étudiants peuvent ne pas demander cette science par pudeur de ne pas demander cette science ou par négligence. Donc il a fait ce livre qui sera pour lui un rappel pour le savant et un avertissement pour le demandeur de science, dans lequel il va mentionner les règles de bienséance dans la demande de science qui sont en commun entre le savant et l'étudiant. Et également le comportement qu'il doit avoir vis-à-vis de ses livres et de l'endroit dans lequel il habite, qui sont les écoles. Il a dit, car la plupart des étudiants à notre époque vivent dans ces écoles. Et il a compilé et regroupé dans ce livre ce qu'il a entendu de ses chouyours, ou ce qu'il a lu dans les livres, ou ce qu'il a retenu dans ses révisions avec ses collègues. Et il le citera sans citer les chaînes de transmission, pour que ce ne soit pas très lent et lourd pour le demandeur de science. Effectivement, il n'a pas cité les chaînes de transmission, mais il a cité beaucoup de dalil, comme nous allons le voir. Bi'idhnillahi ta'ala. Et de cette manière, il a compilé dans ce livre ce qui est réparti dans beaucoup de livres, et il nous l'a présenté sous forme de 5 chapitres, comme nous avons vu. Le premier chapitre, dans lequel il parlera des mérites de la science et des demandeurs de science et de la noblesse du savant. Et le deuxième parlera des bienséances qui concernent les bienséances du savant en lui-même, avec ses étudiants et pendant ses cours. Et le troisième, les règles de bienséance qui concernent l'étudiant en lui-même, avec ses chouyours et avec ses collègues et dans son cours. Et le quatrième, les règles de bienséance qui concernent les livres et également les outils de l'apprentissage. Et le dernier, les règles de politesse qui concernent les écoles dans lesquelles vivent les étudiants de manière générale. Et il l'a intitulé « Tadhkiratu al-sami'i wal-mutakallim ». Tadhkira, c'est le rappel, un mémo, un rappel pour celui qui écoute, l'étudiant, et celui qui parle, le savant, dans la demande de science. Et il a terminé en disant, nous demandons à Allah son assistance et son aide dans la demande de science et dans la mise en pratique, et de nous permettre d'atteindre son agrément et sa satisfaction. Wallahu a'lam. Et nous allons nous arrêter sur cette introduction. Dans le cours prochain, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons étudier le premier chapitre qui concerne les règles de bienséance qui concerne le mérite de la science et des hommes de science et le mérite de propager la science et de la demander. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.